Elles vont venir, reprit le vieillard. Je les connais. Cette bonne Delphine, si je meurs, quel chagrin je lui causerai. Nasie aussi. Je ne voudrais pas mourir, pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Là où l'on s'en va, je m'ennuierais bien. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant, et j'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Dites donc, si je vais en paradis, je pourrais revenir sur terre, en esprit, autour d'elles. J'ai entendu dire de ces choses-là. Sont-elles vraies? Je crois les voir en ce moment, telles qu'elles étaient, rue de la Jussienne. Elles descendaient le matin. « Bonjour, papa, » disait-elle. Je les prenais sur mes genoux. Je leur faisais mille agaceries, des niches. Elles me caressaient gentiment. Nous déjeunions tous les matins ensemble. Nous dînions. Enfin, j'étais père. Je jouissais de mes enfants. Quand elles étaient rue de la Jussienne, elles ne raisonnaient pas. Elles ne savaient rien du monde. Elles m'aimaient bien. Mon Dieu, pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites? Oh, je souffre. La tête me tire. Ah, pardon, mes enfants. Je souffre horriblement. Et il faut que ce soit de la vraie douleur. Vous m'avez rendu bien dur au mal. Mon Dieu, si j'avais seulement leurs mains dans les miennes, je ne sentirais point mon mal. Croyez-vous qu'elles viennent? Christophe est si bête. J'aurais dû y aller moi-même. Il va les voir, lui. Mais vous avez été hier au bal? Dites-moi donc comment elles étaient. Elles ne savaient rien de ma maladie, n'est-ce pas? Elles n'auraient pas dansé, pauvres petites. Oh, je ne veux plus être malade. Elles ont encore trop besoin de moi. Leurs fortunes sont compromises. Et à quel mari sont-elles livrées? Guérissez-moi, guérissez-moi. Oh, que je souffre. Ah, ah, ah. Voyez-vous, il faut me guérir, parce qu'il leur faut de l'argent. Et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille à Odessa. Je suis un malin. Je gagnerai des millions. Ah, je souffre trop.